Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter une chronique que j'ai réalisée pour le podcast « Sex, Games and Rock'n'Roll » avec l'animatrice Raphaël Beaupré, dans laquelle je vais parler de la carrière de l'acteur, scénariste, réalisateur et producteur Quentin Tarantino. Sex, games, and rock'n'roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps. Raph Beaupré. But I live in a fantasy world. Sex, games, and rock'n'roll. Je suis assez contente de l'avoir devant moi, mais comme toujours, hein, Christophe? Bonjour, Raphaël. Bonjour. Hey, là, ça fait quelques podcasts qu'on fait, toi et moi, puis on parle d'autres choses que cinéma, parce que tu sais, t'as plusieurs passions, t'as plusieurs connaissances dans la geekness world. Oh, oui. Mais là, ça faisait une beurrée de podcasts, à part les années 80, puis les films d'horreur qu'on faisait, puis qu'on parlait pas nécessairement de cinéma, qui est ta passion première. Et je me suis dit, Christophe, tu lances n'importe quoi quand ça concerne le cinéma. Il connaît les dates, il sait tout, il y a des détails pertinents, on en apprend, puis ça nous donne le goût d'en écouter, même si des fois on n'est pas des fans ou on connaît pas ça. Fait que je t'ai pitché, je veux que tu me parles de Quentin Tarantino. Point! De qui ça? De Quentin. Quentin. Écoute, ce geek qui est plus geek que moi au niveau cinématographique... Il est imbattable, on s'entend. Non, écoute, Quentin Tarantino est quelque chose. Et c'est plaisant parce que c'est... Je pense que c'est un phénomène. Le phénomène de Quentin Tarantino est le suivant, c'est que c'est nous autres, les amateurs de cinéma, qui avons la chance d'être à Hollywood et d'être représentés par lui. C'est beau, dit même. Oui, parce que faut comprendre que... Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de misère avec Quentin Tarantino. C'est un gars qui aime beaucoup s'écouter parler. Oui, il s'aime beaucoup. Oui, il s'aime beaucoup. Et il faut comprendre que Quentin Tarantino, quand il écrit un scénario, avant tout, il écrit une nouvelle. C'est un... Pas un scénariste, c'est un romancier. Mm-hmm. Et ce que j'aime avec Quentin Tarantino, c'est que tu vas écouter un dialogue entre deux personnages et au début, tu as l'impression de voir une œuvre qui est comme un peintre qui est en train de peindre une faire une peinture. Et à un moment donné, quand tu l'écoutes comme il faut, tu te rends compte que c'est un jeu d'échecs entre deux personnages. Et c'est un méchant beau visuel, c'est tellement ça. Là. Mais c'est ça, et c'est le plaisir d'écouter du Tarantino. Et c'est toujours ce que je vais suggérer à des gens qui me disent « Moi, Tarantino, je suis pas capable. » Je leur dis toujours, quand t'écoutes Tarantino, quand t'écoutes un film de Tarantino, tu vas remarquer que c'est toujours une conversation entre deux personnages. Oui. Remarque le jeu d'échecs. Un place un pion là, l'autre va placer le pion là, et à un moment donné, tu le vois pas venir et il va aller te mettre échec et mat. Bang. Et un des plus beaux exemples de ça, Inglourious Basterds, la séquence du début du film, lorsque tu te ramasses avec l'Allemand qui s'en va à la maison du Français et qui commence à parler avec le Français, puis il se présente là, puis vous savez qui je suis, puis vous savez ce que je fais, papapapa. Puis là, je suis juste là pour faire un questionnement sur les gens qui restaient dans le secteur. Puis là, il y a ces gens-là qu'on n'a pas vus. Mais plus la conversation s'avance, Puis à un moment donné, il se met à parler en anglais au lieu de parler en français parce que la conversation commence en français. Plus la conversation avance, puis plus à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une raison pourquoi il parle en anglais. Et finalement, c'est tout ça pour dire, est-ce que les... Tu sais, je vais pas t'amener devant le fureur, on va pas te tirer dessus si tu m'avoues que tu aides les Juifs que l'on recherche pour savoir que finalement, tu as la caméra de Tarantino qui baisse pour se rendre qu'en dessous du plancher, les Juifs sont cachés en dessous. Et tu vois vraiment le visage de l'acteur oui. qui change tranquillement pas vite jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une larme parce qu'il n'y a pas le choix de dire... Si mes filles qui sont allées dehors, qui là, présentement, je me doute qu'ils ont des mitraillettes sur le bord de leur tente. J'ai pas le choix pour sauver ma famille de dire que les gens que j'essaie de protéger sont en dessous. Hey, mais ça, c'est-tu de la didascalie, là, à côté, là, puis écrite? Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi une didascalie en théâtre ou au cinéma ou peu importe, là, c'est ce qui est écrit en parenthèse que l'acteur fait mais ne dit pas ou ne lit pas. Donc, c'est ce qu'il exprime de par son corps et son visage, de par les larmes ou, tu sais, de par les expressions. Ouais. Donc, mais ça, quand tu lis un texte, tout est écrit en parenthèse ou en oblique, puis le personnage doit apprendre autant ça, l'acteur ou l'actrice, que les paroles. Mais tout ce que tu viens d'écrire, ça doit être un paragraphe et demi juste de didascalie. Et c'est le plaisir de Tarantino, c'est que quand on lit un scénario de Tarantino, il n'y a rien de ça qui est marqué. Hein? Tarantino, lorsqu'il va diriger ses acteurs... Ah, il l'écrit dire... pas! Il ne l'écrit pas. Lui, il va écrire ses dialogues. Il va marquer les choses importantes, mais l'émotion qu'il va chercher à l'écran... Il va l'expliquer. Il va aller le chercher de l'acteur. C'est une manière que tu vois, moi, je pense, j'étais convaincu que c'était pareil que tout le monde. Non, Tarantino, c'est un compositeur. C'est un peintre. Ah, lui, il jam. OK, oui, quand il fait du cinéma, c'est comme la musique, il jam. Exactement. C'est de l'improvisation. Je suis sur un stage, il va jouer, il va s'amuser. Des fois, il y a la scène, il y a exactement ce qu'il cherche. Mais on en fait une autre pour l'amour du cinéma. Parce que des fois qu'on irait chercher quelque chose de différent. Et là, il permet à ses acteurs d'aller chercher une autre version ou une autre affaire. Ah, mais il faut que ce soit des acteurs qui se font confiance. Parce que si t'aimes plus te faire diriger... puis te faire dire quoi faire, parce qu'il y a plusieurs acteurs comme ça, puis c'est correct, t'as les deux types, oui. Là. Ça doit pas faire un fit partout. Et qu'est-ce que tu remarques d'un film de Quentin Tarantino? C'est toujours la même équipe technique. Ouais. C'est toujours les mêmes comédiens. Ouais. Il a son univers à lui. Et je vais aller même plus loin que ça. Si tu ne l'as pas remarqué en regardant les films de Quentin Tarantino, tous les films de Quentin Tarantino, incluant les films qu'il a écrits en scénarisation mais qu'il n'a pas réalisés, font partie de l'univers Quentin Tarantino. Les personnages sont reliés d'une façon familiale entre eux autres, d'un film à l'autre. Je vous donne un exemple. Si vous écoutez un film comme Reservoir Dogs, Mr. Blonde est connu sous le nom de Vega. Et dans le film Pulp Fiction, le personnage de John Travolta, son nom de famille est Vega. Ce sont deux frères. C'est réellement deux frères. Ça peut, parce que j'ai vu un des deux. Moi, je ne les ai pas encore toutes vues. Okay. Là, parce que j'ai pas vu Reservoir Dogs. OK, Reservoir Dogs. Mais j'ai vu Pulp Fiction. Oui. Mais ça se passe dans les mêmes années? Non. Non? C'est dans l'univers. Donc, tu ne sais pas dans quelle année que ça se passe. Oui, tout le temps. Tu ne le sais jamais dans quelle année. Tu as une idée là, parce que tu as le décor et tout. Là. Exact. Comme il y a un personnage dans le film Eightful Eight qui est l'arrière-grand-père d'un personnage qui se trouve dans Reservoir Dogs. Ben, je m'en doutais, là, parce que Eightful Eight, voyons, je dois mettre la misère avec mon articulation. Mais oui, Eightful Eight, c'est un remake de Reservoir Dogs, mais au Far West. C'est malade, ça. Ouais. Mais il y a des personnages sont reliés comme ça. Au même titre que Tarantino a une... il le déteste deux choses au niveau du cinéma. Le cinéma, le numérique, il déteste ça. Lui, il a toujours dit, mon objectif, c'est d'arrêter ma carrière cinématographique à l'âge de 60 ans. Oui. Mais je ne suis pas sûr que je vais me rendre là parce que le numérique est en train d'éliminer la bobine de film. Et Tarantino est un des rares réalisateurs qui tourne encore en film présentement. Fait que là, il y a 4 ans. Il reste 4 ans, il y a 56. Il y a 5 ans. Ben, il est 63, oui, c'est ça. À l'enregistrement de ce podcast-là, en fait, je vais le dire, c'est rare que je le dis, là, mais si c'est publié plusieurs mois plus tard, je m'excuse, on est le 20-20-01-28. Ouais. On est le 28 janvier lors de l'enregistrement. Et à ce moment-là, lui, il a 56. Ben écoute, Tarantino est né le 27 mars 63. Ouais. Donc, tu vois, il va avoir 57 ans. Cette année. Oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il a dit qu'il ne dépasserait jamais 10 films. Donc, il y en a 9 de réalisés. Il en reste encore un dans sa carrière. Et quand il a fini sa carrière après ça, il écrit des romans, il écrit des nouvelles et il écrit des livres sur le cinéma. C'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais là, j'ai plein de questions par rapport aux 10 films. Là, parce que est-ce qu'il va vraiment respecter ça? Je sais qu'il y a des manières de contourner ça. C'est 10 films à lui, je peux comprendre, mais il peut continuer d'en écrire, il peut continuer de... Il va peut-être en produire. Okay. Mais au niveau réalisation, il a dit qu'il ne réaliserait que 10 films dans sa carrière. Il a le 9 à son actif à présent. Puis oui, le 9 qui est sorti en 2019, que j'ai chez nous, que je n'ai pas encore écouté, donc c'est sur ma to-do. Mais il a parlé de son prochain projet et ce serait de science-fiction sans soucoupe, sans gogos. Est-ce que tu y crois? Mais en même temps, de l'autre côté, tu as des rumeurs de Kill Bill 3. Est-ce que ça, ce serait son 10e? Non, parce que tu as des rumeurs aussi qu'il y a une histoire de Inglourious Basterds qu'il n'a jamais réalisé et qu'il veut reprendre. Oui, oui. La seule chose qu'on sait, c'est que le prochain film de Quentin Tarantino sera le dernier film de sa trilogie sur la revanche. OK. Parce qu'on a Django Unchained, ouais. Once Upon a Time in Hollywood, et là, le prochain serait encore un film de revanche. Donc, on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais, tu sais, c'est de Quentin Tarantino. Donc, Tarantino va faire ce que Tarantino veut faire. Oui, montrer des pieds. C'est ça. Ouais, ben, oui, bien ça, on pourra en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a quand même des trademarks de Tarantino, tu sais. Mais tu sais, Tarantino, pour te donner, ben tu sais, regarde, si tu veux aller sur les trademarks, là, tantôt j'en parlais, il déteste tout ce qui est placement publicitaire dans un film. OK, fait que tout ce qui est une bouteille de coke, un ordinateur Apple. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ses propres marques. Hé, je n'avais jamais pris le temps de regarder. Donc, tu as, mettons, les Red Apple Cigarettes. Les Red Apple Cigarettes ont apparu dans Reservoir Dogs. D'ailleurs, c'est fumé dans Pulp Fiction. Et c'est également fumé dans The Hateful Eight. Et si tu regardes, à un moment donné, il y a une séquence dans Kill Bill volume 1 où tu as le personnage de Uma Thurman qui est habillée en jaune à ce moment-là parce qu'elle va confronter le personnage de Lucy Liu. Et elle passe devant une belle publicité de Red Apple Cigarettes. Il va falloir tout que je réécoute. C'est ça. Damn! les Big Kahuna Burgers. Ouais. Donc, c'est sa création. Donc, c'est de faire partie. Okay. C'est les burgers de l'univers Quentin Tarantino. Tu as également le G.O. Juice, le Jack Rabbit Slim, le Teriyaki Donuts. C'est toutes des créations Quentin Tarantino qu'on va voir dans les différents films, que ce soit dans ses scénarisations. D'ailleurs, dans un film qu'il a scénarisé, dont il a réalisé un des 4 films à sketch, qui était Four Rooms, qu'il avait fait avec Robert Rodriguez à l'époque, il y a justement un moment où il y a le personnage de Tim Roth qui fumait justement un Red Apple cigarette dans Reservoir Dogs. Il en fume un autre dans Four Rooms. Donc, c'est toutes des affaires que ça, le monde ne savent pas, mais que quand vous le savez, vous allez porter attention. Penses-tu sur les films. Penses-tu que les acteurs s'en rendent compte? Ils le savent-tu? Non? Tout le monde le sait. Dans l'univers de Quentin, tout le monde le sait. C'est un easter egg, exactement. Mais fait que dans le fond, lui, son but, c'est de rien devoir à personne. Exact. Mais on va pouvoir en revenir aussi sur les After Eights. Sur les After Eights? Enfin, non, sur les... Excusez-moi. Les Hateful Eight. After Eight, c'est les petits bâtonnets chocolat, menthe, sacrifice, ça va pas bien. Mais sur les Hateful Eights, parce qu'il y a une histoire là-dedans. En tout cas, quand on ira en parler, Hateful Eight, ira... tu vas nous parler de la guitare à 40 000 piastres. Oui, on va en parler. On en reparlera de celle-là. Vas-y. Tantôt, tu parlais du fétichisme sur les pieds. Oui. Effectivement, il en a une. Où est-ce que majoritairement, il filme toujours les orteils ou les pieds des femmes qui sont dans c'est son pire film. C'est pire en pire. On me dit que le dernier, c'est encore pire. J'ai hâte de voir ça, malgré que non, moi, les pieds, ça m'écœure. Mais... Oui, mais lui, c'est ça. Il aime ça. D'ailleurs, moi, je te dirais, la séquence qui est la plus amusante, c'est la séquence de Kurt Russell dans Death Proof, quand il prend son doigt, puis qu'il s'en va licher son doigt, puis qu'il frotte le petit orteil de l'actrice qui est en arrière du véhicule. Là. Oh là ouais, là. C'est ça. Il se fait plaisir. Il se met un petit peu de pornographie égoïste au travers de ses films. Il est un amateur des films, principalement des années 70, mais il touche aussi les années 60. Et ça, vous l'avez continuellement dans ses productions, que ce soit au niveau de son générique, que ce soit au niveau des zoom-in, zoom-out. Les films de Quentin Tarantino font très grindhouse, qui est cette espèce de film d'exploitation des années 70, le blaxploitation, le sexploitation. Donc, où est-ce qu'on a de la musique qui sort de l'ordinaire, des prises de vue qui sont vraiment weird, le film qui est scratché, on va volontairement briser la bobine de film pour donner un aspect vieillot. Oh, ouais. On le voit beaucoup plus dans Grindhouse, mais on le fait une fois de temps en temps dans des films comme Kill Bill. D'ailleurs, Kill Bill, il y a une section dans le premier volume 1, là, il y a une section d'animation qui est un hommage au film d'animation des années 70 également, donc ça, on va en revenir tantôt, mais c'est un gars qui est un tripeux de cinéma et il nous le balance dans la face et il y a tellement de belles choses dans un film de Quentin Tarantino, surtout quand on est un amateur des années 70. Quand on sait tous les détails, moi, juste les marques ou les affaires de graffiner les bobines, c'est malade, ça. Oui, oui, effectivement. Puis, écoute, shame on me, là, pour vrai, on enregistre ce podcast-là puis j'ai vraiment une grosse to-do list puis c'est pour ça que je voulais que tu m'en parles pour me donner encore plus le goût des écouter, là. Sur les 9 actuels, oui. J'en ai écouté 4? 5? Ouais, t'as écouté Pulp Fiction? Pulp Fiction, les deux Kill Bill, oui. Django, puis Eightful Eight. Eightful Eight. Il m'en manque beaucoup. Il en manque beaucoup. Puis ben, des classiques, la base. Il écoute, manque la base. Là. Si je te dirais d'où ça vient, Quentin Tarantino, ses amours, d'abord, son père a quitté sa mère alors qu'elle était enceinte de lui. Okay. Donc, il n'a jamais vraiment connu son vrai père. Et à un moment donné, bien, sa mère s'est mise à sortir avec beaucoup d'Afro-Américains pendant sa jeunesse. Okay. Des Afro-Américains qui l'ont amené à aimer non seulement le cinéma, mais le Black Exploitation. Donc, c'est-à-dire cette période des années 70 où on a eu des films comme Shaft, Foxy Brown et ainsi de suite. D'ailleurs, Foxy Brown qui met en vedette Pam Grier. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il va y avoir une anecdote que je vais vous raconter tantôt avec Pam Grier sur le film Jackie Brown, qui s'appelle Jackie Brown Axel à cause de Foxy Brown. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment un hommage à ça. Tarantino va lâcher l'école à partir de l'âge de 15 ans parce que dans sa tête, il veut être un acteur. Et okay. Il va embarquer dans une troupe théâtrale où il va rencontrer des gens et dans lequel il va connaître ou commencer à connaître et devenir conscient de ses talents de scénariste. Parce qu'à un moment donné, ce qu'ils vont faire, c'est que lui et les autres acteurs vont se remémorer des films, puis là, ils vont dire « Hey, ce serait le fun de réécrire les scènes puis de les rejouer sur un stage. Okay. » Et c'est comme ça qu'il a... Il a commencé à faire de la scénarisation. Et à un moment donné, bien, abandonne l'école et qu'est-ce que tu fais? Bien, il faut que tu trouves une job. Ben oui. Alors, il est devenu placier dans un cinéma porno à l'âge de 15 ans qui s'appelait le Pussycat Theater. Oh, attachant! Et si tu te rappelles de Kill Bill volume 1, tu te rappelles du Pussycat Wagon? Oui! Qui est ben un oui! Hommage, mais non, oui! Qui est un avec le porte-clés puis le charlet. Exact. Et le char lui appartient en passant. Il conduit encore aujourd'hui le Pussycat Wagon à travers Beverly Hills. Wow! Fait que quand tu vois le Pussycat Wagon, tu le sais que c'est Quentin. Et vous savez d'où ça vient maintenant. Wow! C'est donc bien malade! Quentin Tarantino, à un moment donné, va se trouver une job pendant 5 ans où est-ce qu'il va travailler dans un club vidéo qui est le Video Archives à Beverly Hills, qui est encore existant aujourd'hui. Et il va découvrir sa passion et à un moment donné, ben écoute, il veut faire un film. Alors, il va commencer à travailler sur des scénarios avec des amis de ce club vidéo-là. Et il va écrire un scénario qui s'appelle True Romance avec l'optique de réaliser le film. Et pendant 3 ans, il va chercher du financement pour faire le film. Ah oui. Mais ça ne marche pas. Mm-hmm. Et il va réécrire un autre film qui va s'appeler Natural Born Killer, qui va être également où il va se dire, écoute, je vais faire un scénario où est-ce que je vais être capable de faire un film, puis ça va me coûter moins d'1 million. Fait qu'avec moins d'1 million, on devrait être capable de me passer de l'argent. Mais ça marche pas, ça, non plus. Et là, à un moment donné, ben écoute, il n'y a plus d'argent pour vivre. Il est obligé de coucher chez des amis. Il est pauvre. Et donc, à un moment donné, il va décider de vendre ses deux scénarios. Le premier, True Romance, va lui ramasser quand même 30 000 $. Et c'est un film qui va être racheté par un certain Tony Scott qui va faire le film. Dans True Romance, ce qui est drôle, c'est que le film était fait un peu comme Pulp Fiction, c'est-à-dire qu'il était tout mélangé. Tony Scott va ramener ça linéaire. Et ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que le personnage principal qui est interprété par l'acteur Christian Slater, c'est Quentin Tarantino. OK. Donc, un adorateur de films de cinéma, qui est un tripeux, un geek de culture, de pop culture des années 70. C'est clair. C'est ça. Donc, ce personnage-là, c'est lui dans lui-même. Un personnage. OK, c'est bon. Exactement. Et il va vendre ça pour 30 000 $. L'autre, Natural Born Killer, va le vendre pour 10 000. Mais le problème, c'est qu'il va le renier parce que Oliver Stone va racheter ça. Il va le rechanger au complet. Il va l'adapter à sa manière. Ce qui fait que Quentin Tarantino, lui, va toujours se séparer de l'œuvre de Natural Born Killer parce qu'il considère que c'est pas son œuvre à lui. Qui est au cinéma. Et donc, avec l'argent qu'il va ramasser de tout ça, Quentin Tarantino va écrire un autre scénario qui s'appelle Reservoir Dogs. Et il se dit, là, ben écoute, il faut que je fasse un film qui coûte pas cher. Ou est-ce qu'on va dire, ben écoute, ça coûte tellement pas cher que, regarde, on va te donner l'argent puis on va te laisser tranquille. Et donc, Tarantino va prendre le 30 000 $ de True Romance. Puis, il va écrire le scénario de Reservoir Dogs et il va commencer à faire le tour pour produire le 10 films. À un moment donné, ce scénario-là va tomber entre les mains de Harvey Keitel. OK. Et Harvey Keitel a deux avantages. Un, il tombe en amour avec le scénario, puis il dit à Quentin Tarantino, ça m'intéresse de jouer dedans. C'est comme, hey, Harvey Keitel okay. va jouer dans un de mes films. Pas de trouble. Mais Harvey Keitel travaille pour Live Entertainment. Okay. Et donc, si Harvey Keitel est l'acteur d'un de tes films, Live Entertainment automatiquement te donne 1,5 million pour la réalisation de ton film. Wow! Ce qui fait qu'avec... C'est un step-up, là. C'est un step-up. Donc là, Tarantino dit, ben OK, non seulement j'ai... je suis réalisateur d'un film, je peux faire Reservoir Dogs, mais en plus, j'ai 1,5 million. Et avant que ce 1,5 million-là arrive, Harvey Keitel va dire, je t'avance de l'argent pour t'aider parce que, tu sais, j'y crois. Tarantino, lui, peut juste aller chercher du monde à Los Angeles, mais Harvey Keitel dit, hey, j'ai du monde que je connais, moi, à New York, qu'on pourrait passer en audition. Écoute, wow. J'ai pas les moyens financiers de me rendre ben à non. New York. Je paye l'hôtel, je te paye l'avion, wow. Je te paye le temps que ça va prendre pour faire les auditions, je te paye tout. Ce wow. qui fait que Harvey Keitel devient un coproducteur de Reservoir Dogs. Et le budget va passer de 1,5 à 2 millions de dollars. C'est donc bien épique, ça, comme anecdote, comme réalité. Waouh! Ouais. Ben, OK. Et en faisant ça, ben, en allant à New York, c'est là qu'il va, que Quentin Tarantino va tomber sur Michael Madsen. C'est là qu'il va tomber, mon Dieu, il y avait, je vais juste aller chercher parce que là, ça, de mémoire, là, je ne me rappelle pas les trois. Il y avait Tim Roth, Michael Madsen et Steve Buscemi. Ce sont les trois des Reservoir Dogs qu'on voit dans le film. Qui est allé chercher durant des entrevues là. S'il n'avait pas été à New York, ce n'est pas ces acteurs-là qu'il aurait eu. Donc, en amenant ces acteurs-là, ça amène un tonus incroyable, ce qui fait que Reservoir Dogs peut se faire. Et il se réalise, écoute, ça a pris, je pense, 3 semaines et demie à Quentin Tarantino à écrire le scénario. Le tournage se fait, je pense, sur une période d'une dizaine de jours. Et donc, on envoie ça au Festival de Sundance et c'est le film mémorable que tout le monde n'a jamais vu rentrer et qu'on a célébré et qui a rapporté des prix incroyables et qui a fait de Quentin Tarantino la vedette qu'il est. Sauf que, même là, à ce moment-là, Tarantino va voir son œuvre achetée par Miramax, qui, à ce moment-là, appartient à Harvey Weinstein. Ouais, notre ouais. fameux Weinstein qui plus tard va... En tout cas, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais, mais moi aussi, mais Weinstein, j'ai vu quelques affaires. Mais Weinstein est quand même le gars qui va donner la première opportunité à Quentin Tarantino. Donc, quand arrive le film Pulp Fiction, bien, Pulp Fiction, on arrive avec la même problématique de dire, j'ai un projet, maintenant, j'ai besoin d'argent. Donc, Jersey Film va donner 1 million de dollars à Quentin Tarantino pour écrire son scénario. Et lorsque Quentin Tarantino va arriver avec le scénario, les Jersey Films vont dire non, on n'est pas capable de... Ça n'a pas de sens. C'est, ça n'a pas ni peu ni tête. Et là, on va approcher Sony Pictures. Et Sony, bien, le président de la compagnie va dire non seulement c'est un des pires scénarios que j'ai vu de ma vie, c'est incompréhensible, c'est complètement stupide. Il y a des gens qui sont morts là, mais qui sont vivants par la suite. Il n'y a rien à comprendre dans ce scénario-là. On ne veut rien savoir là-dessus. Et Miramax et notre ami Weinstein, qui viennent d'être achetés par Walt Disney, décident d'acheter le scénario et de dire à Quentin Tarantino, on va faire le film. À ce moment-là, Quentin Tarantino a un budget d'environ, je crois que c'était 5 ou 6 millions de dollars. Et Harvey Keitel, qui est encore dans la production de Pulp Fiction, dit à Tarantino, mon meilleur ami, c'est Bruce Willis. J'aimerais ça lui faire lire le scénario. As-tu un problème avec ça? Tarantino, sur le coup, dit, ben, pas vraiment. Et il fait lire le scénario à Bruce Willis. Et Keitel va convaincre Bruce Willis de participer à Pulp Fiction. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si extraordinaire que ça. C'est extrêmement puissant parce que même si Bruce Willis vient de connaître des flops, il a un succès monstre en Europe. Okay. Ce qui fait qu'avec l'arrivée de Willis, automatiquement, on vient de passer... De débloquer un autre spot. Là. On vient de passer de 5 à 8 millions de dollars. Wow! Le budget. Parce qu'il y a 5 millions de dollars qui vont seulement pour les acteurs sur le budget de 8 millions. Mm-hmm. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Weinstein n'est pas stupide. Parce qu'il vient de revendre les droits de Pulp Fiction pour 11 millions de dollars en Europe à cause de Bruce Willis. Mm-hmm. Parce qu'en Europe, Bruce Willis est un dieu. Est un dieu. Et donc, juste à cause du nom de Willis, le film, avant même de sortir, est déjà payé. Wow! Avec les droits de revente en Europe. Il y a déjà des profits. Il y a déjà des profits en plus, exactement. Fait que c'est un sure shot, là. C'est un sure shot, c'est ça. Donc, le film qui a coûté 8 millions va ramasser plus de 213 millions à travers la planète. C'est pas fini. Et ça n'inclut pas le 11 millions de dollars qu'on a été chercher en pré-vente. Parce que là, c'est le 213 millions, c'est de l'argent qui est rentré de recettes. Oui. Pas des pré-ventes sur les salles de cinéma ou les pré-ventes de distribution ou les pré-ventes de DVD ou les pré-ventes de films à télévision ou de ci ou de incroyable. Ça. Incroyable. Incroyable. Ça compte pas tous les posters de Uma Thurman vendus. Exactement. Savez-vous ce qui est encore plus drôle? Il y a quelque chose... On va revenir en arrière un petit peu avec Reservoir Dogs parce que Reservoir Dogs, quand il est diffusé en salle en Europe, il y a un marketing qui se fait qui n'a jamais été fait avant. On fait des posters avec chaque visage des personnages de Reservoir Dogs. Ça, c'est une publicité maintenant qu'on voit plus régulièrement. Tu sais, t'as un Harry Potter, tu vois Harry, tu vois Hermione, Game of Thrones, ils l'ont fait avec la dernière saison. Mais c'est quelque chose qui s'est fait avec Reservoir Dogs. Lorsqu'on arrive avec Pulp Fiction, bien, on crée des affiches vraiment très dignes du pop de l'époque. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du pop, c'est qu'à l'époque, il y avait des magazines qui se faisaient, puis on faisait ça avec, c'était du papier, mais tiré de bois. C'était vraiment, c'est de la pub de bois, mais c'était du papier de très bas niveau, très mauvaise qualité, qui faisait qu'on pouvait vendre des magazines à 10 cents. Ouais. D'où la raison pourquoi le Pulp Fiction, c'est une revue avec Uma Thurman dessus et que c'est marqué 10 cents en haut. Mais c'est du papier mâché, dans le fond. Le fameux bois. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va faire Pulp Fiction, qui va être un succès monstre. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que lorsque notre ami McDavoy, le propriétaire, ou pas le propriétaire, mais le président de Tristar, dit que ce scénario est de la merde, il y a un certain Danny DeVito, lui, qui tombe là-dessus. Et DeVito, lui, tombe en amour, ce qui fait qu'après avoir été voir Harvey Weinstein, il devient producteur exécutif incroyable. De Pulp Fiction, parce qu'il est tombé en amour avec ça. Ce qui est important de savoir aussi de Pulp Fiction, c'est que ça va mettre Quentin Tarantino sur la map. Et ça va permettre à Quentin Tarantino de faire plusieurs choses. D'abord, un, il va se mettre à produire des films. Donc, il va produire Killing Zoe avec Eric Stoltz. Il va jouer également dans des films de Robert Rodriguez avec qui il est devenu très ami parce qu'au moment où Reservoir Dogs passe au Festival de Sundance, Robert Rodriguez, lui, va mettre El Mariachi, qui est également son premier film. Donc, c'est deux gros films qui vont être très puissants au niveau du Festival de Sundance. Et les deux gars vont se connaître là. Ils vont devenir des amis inséparables. Mm-hmm. Il va se mettre également à réaliser des épisodes pour la série télé. Donc, en 95, il va réaliser un épisode de la série ER, ou Urgence. Okay. Ce que peu de gens savent. Il va se mettre à faire aussi l'épisode, tantôt que je disais, là, il va écrire et réaliser un épisode où un des épisodes du film Four Rooms, donc c'est un sketch, parce qu'il y a quatre sketchs dans ce film-là, dans lequel justement il partage la réalisation avec Robert Rodriguez, il y avait Alexandre Rockwell et Alison Anders. Il va également être un des deux acteurs principaux aux côtés de George Clooney dans From Dusk Till Dawn en 96, qui est un autre scénario qu'il avait écrit à l'époque de True Romance, Natural Born Killer, mais qu'il a été capable de vendre également pour, je pense, 1 000 $. Mais c'est Rodriguez qui a ramassé la réalisation, puis il a dit « J'aimerais ça que tu joues dans mon film. » Wow. Et donc, à ce moment-là, ben, Quentin s'est retrouvé comme aux côtés de George Clooney, Harvey Keitel et Juliette Lewis dans ce film de vampire qui, au début, est tout simplement un film policier à la Quentin Tarantino, avant de virer au carnage complet du film de vampire les plus sanglants qu'on a pu voir, je pense, comme film de vampire dans toute l'histoire du cinéma nord-américain. Oui, nord-américain, parce que si tu s'en vas dans le japonais, peut-être qu'il y en a. Non, c'est exactement. En 94, c'est Pulp Fiction. Lorsque Pulp Fiction est un succès, il y a un certain Quentin Tarantino qui décide de dire « J'arrête ». Parce que Quentin Tarantino, à ce moment-là, entre Pulp Fiction et Reservoir Dogs, ou Reservoir Dogs et Pulp Fiction, les médias sont sur son dos continuellement. Il devient l'attraction principale. C'est la nouvelle vedette. C'est le buzz d'Hollywood. C'est le one hit wonder qu'on pense. Là. Et là, Tarantino dit, là, je fais plus rien. J'arrête ça. Serrez-moi patience. Là, je m'en vais vivre une vie normale. Je m'en vais m'exiler quelque part dans mes figurines, mes clubs vidéo, puis je vais écrire mon scénario de prochain film. Malade. Et là, il va faire la rencontre de deux personnages. Pam Grier, que je vous ai parlé au début, Foxy Brown, donc qui faisait beaucoup de films de... C'était la femme noire de films d'action des films de Black Exploitation des années 70. Et Robert Foster, qui est également un acteur très connu dans les films d'exploitation des années 70. Les deux acteurs vont plus nulle part. Et à un moment donné, alors que Tarantino se promène à Hollywood, croise Pam Grier. C'est un hasard, là. Il arrête comme ça Pam Grier. Il dit « Hey, mon Dieu, vous êtes Pam Grier. Pam, je suis en train d'écrire un film pour vous. » Pam Grier me dit « Hey, écoute, vous savez le nombre de fois que je me fais dire ça, tu sais, mais... Ah, ben oui, Quentin, pas de problème. J'ai vu Pulp Fiction, j'ai aimé ça. Ben, je vais attendre que tu me donnes des nouvelles. » Et l'anecdote de Pam Grier avec Jackie Brown est la suivante. C'est qu'à un moment donné, Pam Grier reçoit un avis par la poste comme quoi il y a une lettre qui a été envoyée, mais elle doit payer les timbres parce que la personne qui envoyait n'avait pas assez d'argent pour payer l'envoi. Okay. Fait qu'elle a dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est encore des affaires de plus. Et elle laisse aller ça, elle n'y va pas. Et à un moment donné, elle reçoit un dernier avis en disant, ben là, on va retourner le colis à la personne. Et elle dit, bon, ben je vais aller le chercher. Et elle voit sur l'enveloppe Cutie. Et elle ouvre l'enveloppe et elle voit le scénario de Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Et elle lit le scénario, elle appelle Quentin Tarantino, puis elle dit, c'est quoi le rôle que j'ai? Ben, t'es Jackie Brown. Mais elle, dans sa tête, c'était le personnage de qu'avait Bridget Fonda, qui était la blonde de Samuel L. Jackson. Mm. Parce que pour elle, il n'y a pas de race de marqué. T'sais, c'est pas marqué si c'est une blanche ou une noire. Oui. Fait que pour elle, c'était, bon, je vais être la blonde de Samuel c'est L. Jackson. Ça, je vais être la... Non, t'es Jackie Brown. Non, j'ai écrit un film t'es pour toi. T'es la vedette principale. Ouais. Wow. Maintenant, on s'en va sur Robert Foster. Parce que Robert Foster a été sur le film de Reservoir Dogs et il a fait une super de bonne audition. Et quand il finit l'audition, il est sûr d'avoir un rôle. Mais tout de suite, Quentin sort de la salle et il dit « Écoute, je suis vraiment désolé. Ça ne marchera pas pour Reservoir Dogs, mais je vais me rappeler de toi. » Bien sûr, il voit Pulp Fiction. Il dit « Ouais, il ne m'a pas appelé. » Et à un moment donné, il est dans un restaurant, un petit café. Puis, il est tout seul à sa table. Il n'a plus d'agent. Il n'a plus les moyens de se payer d'agent parce qu'il n'y a plus aucun, il a plus rien dans sa carrière. Sa carrière est vraiment... C'est fini. Fini. Là. Il a de la difficulté à se payer son logement. Tu sais, il est vraiment dans le plus profond de sa carrière. Et là, il voit Quentin Tarantino rentrer avec un de ses amis, en train de bavarder. Quentin, lui, il n'est plus à Hollywood. Là. Non. Tu sais, on est à Hollywood, mais lui, il s'amuse. Oh, oui. Et à un moment donné, il se retourne, puis là, il dit « Hey, Quentin! » Et là, Quentin le voit, puis il va s'asseoir à côté de Robert Forster, puis il dit « Hey, tu peux pas promis à un moment donné un rôle? » Il dit « Ben, justement, je suis content de te voir, je vais avoir quelque chose pour toi. » Et bon, Robert Forster s'en va, n'a pas de nouvelles, puis à un moment donné, il revient dans ce petit café-là, et Quentin Tarantino est assis à la table où il était assis, où est-ce qu'il, quand il l'a appelé, exactement à sa place, et lui dit « Robert, come here a second. » Alors, Robert Forster vient s'asseoir. C'est un film. Et là, il lui installe le scénario. Et comme Foster, et comme exactement Pam Grier, il lit le scénario, il dit « OK, j'ai quoi? J'ai le rôle de, que normalement Robert De Niro a eu dans le film, c'est-à-dire un petit rôle secondaire. » Non, non. Tu as le rôle principal avec Pam Grier, qui, en passant, les deux avaient déjà joué ensemble dans d'autres films dans les années 70. Donc, quand Pam Grier apprend qu'elle va rejouer aux côtés de Robert Forster... C'est l'amour. Et que, puis elle avait un crush sur lui quand elle était plus jeune, et que Robert Forster apprend qu'il va jouer avec Pam Grier, c'est le moment culminant de notre carrière. Y a-tu craqué? Y a-tu braillé? Moi, je braillerais. Dans le cas de Robert Forster, c'est qu'il est passé d'un no-name à sa carrière et reparti. Oui. Et jusqu'à temps qu'il meure, parce qu'il est mort l'année dernière. Mais il a été revenu dans la nouvelle série de Twin Peaks où est-ce qu'il devait interpréter le personnage de Sheriff Truman, mais que finalement, ça n'avait pas marché. Là, il est revenu en Sheriff Truman, mais c'était le frère du Sheriff Truman qu'on avait eu dans la série d'origine. Donc, tu sais, il y a plein de choses intéressantes. Et il y avait même le personnage de Michael Keaton, qui avait été approché pour jouer le personnage de Nicolette dans le film de Jackie Brown. Et Keaton passait son temps à dire à Quentin Tarantino, « Je suis pas bon pour ce rôle-là, je peux pas faire ça. Tu peux pas me prendre ce rôle-là, je suis pas fait pour ce rôle-là. » Et plus Keaton disait qu'il était pas fait pour ce rôle-là, plus Tarantino voulait l'avoir pour le rôle de Nicolette. Et l'anecdote de ça, c'est que ils ont un film qui s'appelle « Out of Sight », qui va être tourné la même année, qui va être fait par Steven Soderbergh, qui est basé sur une autre nouvelle de l'écrivain Elmore Leonard, sur lequel Elmore Leonard a écrit le roman Rum Punch, sur lequel est basé Jackie Brown. Parce que Jackie Brown, c'est une des seules œuvres que Quentin Tarantino n'a pas créées. Il l'a écrit basé sur une nouvelle déjà existante. C'est une, je pense que la deuxième, c'est Once Upon a Time in Hollywood, mais je ne suis pas sûr. Mais il y en a juste deux dans sa carrière qui a fait ça. Et donc, comme le personnage de Nicolette appartenait ou apparaissait dans ce film-là, le personnage de Nicolette appartient à Miramax parce que Miramax a les droits du scénario de Quentin Tarantino. Et donc, Tarantino va voir Weinstein et lui dit « J'aimerais que tu donnes l'autorisation à Steven Soderbergh de pouvoir utiliser non seulement le personnage de Nicolette, mais je veux que ce soit Michael Keaton qui l'interprète. » Ah, OK. Et entre les deux films, le personnage de Nicolette apparaît et c'est Michael Keaton qui l'interprète. Ah, ouais. C'est exactement le même personnage que dans Jackie Brown. Donc, encore là, un lien qui se fait entre deux films. Eh bien. Jackie Brown, son défaut est le suivant. C'est que c'est l'après-Pulp Fiction. OK. Il s'est fait engourdir par la popularité du film de 1994. Et donc, Pulp Fiction, là où le film est mélangé, donc la fin se passe au début et le début est à la fin, et ainsi de suite. Jackie Brown est vraiment chronologique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'aiment moins, ce film-là, mais si vous prenez le temps de le réécouter, puis si vous prenez le temps de savourer les dialogues de Tarantino, et si vous vous rappelez que c'est un continuel partie d'échec entre chacun des personnages, Jackie Brown est un petit délice de film à voir, et c'est un délice de scénaristique à écouter, parce que les dialogues des personnages sont vraiment croquants, et on voit de la manière qu'il va écrire ses personnages par la suite. C'est vraiment, tu vois que les caractères sont plus importants. Écoute, la séquence quand le personnage de Robert Forster voit arriver Jackie Brown, il met une musique là-dedans, c'est une séquence qui doit durer 2 minutes, 2 minutes et demie. Il n'y a pas un réalisateur qui va accepter ça. Ils vont couper quelque part. Là. Oui. Mais lui, non. C'est lui qui a le dernier mot sur le montage. On ne coupe rien. Et donc, Jackie Brown est un petit délice. Mais au moins aujourd'hui, on a le luxe de ne pas être à l'époque où ça sort. Donc, si vous êtes quelqu'un qui les a pas tout écoutés ou n'a pas écouté du tout de Quentin Tarantino, à ce moment-là, vous êtes dans le meilleur des scénarios parce que vous allez pas avoir l'engourdissement, comme je disais tout à l'heure, ou l'absorption que Pulp Fiction avait eu sur Jackie Brown ou sur d'autres films, parce que vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez ou de la manière que vous voulez et les apprécier un après l'autre sans avoir attendu quelque chose d'aussi hot que, parce que c'est différent, puis les sont tous succulents. Puis je suis sûr que si vous allez sur le web, quelque part, il y a quelqu'un qui a mis les générations des personnages. Fait que vous pouvez écouter les films dans l'ordre que les personnages évoluent au niveau de leur famille ou de l'histoire de leur famille. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'écouter d'une autre manière. Okay, je vais aller voir ça. Je vais m'amuser. Ça nous amène, bien sûr, à Kill Bill, 2003 et 2004. Oui. Parce que c'est le seul moment où Weinstein va vraiment forcer Quentin Tarantino à l'écouter, parce que Quentin Tarantino a toujours le dernier mot, sauf que là, Weinstein l'a eu, parce que Tarantino s'en allait avec un film de 4h30, puis Weinstein a dit, non, écoute, c'est pas rentable, on sera jamais capable de rentabiliser ton film, tu vas le séparer en deux parties, et c'est ce qu'il a fait. C'est correct. Oui, et surtout, ce qui est le fun, c'est que si vous regardez Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, c'est deux styles totalement différent. T'en as un qui est vraiment un hommage au film de Kung Fu des années 70. D'ailleurs, l'anecdote du costume de Uma Thurman, qui est jaune et noir, c'est que c'est le même costume que portait Bruce Lee dans le film Game of Death en 1978. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est la même motadine à faire. Et si vous écoutez Kill Bill 2, c'est un western, carrément. Donc, c'est vraiment deux styles totalement différents, mais c'est deux films qui s'écoutent. Puis qui se suivent tellement bien. Et qui se suivent tellement bien. Et c'est, tu vois, moi, je me suis fait le plaisir de me taper dimanche après-midi les deux en ligne, juste pour le plaisir de me les retaper en ligne. Puis, c'est un tellement délice. Tellement le fun. C'est un délice. La séquence de combat avec les Crazy 88 demande une des plus folle que j'ai vue. Ça demeure la séquence. Mais tu sais, que ce soit un ou l'autre, les Kill Bill ont autant de séquences intéressantes l'une et l'autre. Il y a beaucoup de one take là-dedans, puis jeux de caméra qui sont exceptionnels. Je me trompe pas, hein? Non. Okay. Mais c'est tous des hommages aux films des années 70. Zoom in, zoom out. Ouais. Puis il y a beaucoup d'hommages au... mon Dieu, je ne me rappelle pas. Au Japon, il y avait il y avait une famille, c'était pas une famille, mais c'était des producteurs en Chine qui s'appelaient, attendez un instant, c'est les Shaw Brothers Studio. Et d'ailleurs, quand vous regardez les Crazy 8, les Crazy 88, le fond, le background, c'est les studios des frères Shaw, dans lesquels ils faisaient la majorité de leur tournage. Ils ont reproduit ça pour vraiment donner un hommage à ces studios-là de production, puis qui produisaient dans les années 70 et même les années 60 et même jusqu'à un certain point les années 80, tous les films de Kung Fu qui provenaient du Japon. C'était vraiment loufoque pour ça. Il arrive un incident sur le chose de Tarantino, sur le film de Kill Bill, que je vais vous reparler un petit peu plus tard. Mais si vous remarquez Kill Bill, ça commence toujours par Q&U. Tu sais quoi le Q&U? Non. C'est parce que Quentin Tarantino, Q, a écrit Kill Bill avec Uma Thurman, le U. Q&U, c'est pour Q, pour Quentin, et U pour Uma Thurman. La tragédie là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on modifie la voiture que doit conduire Uma Thurman sur une séquence de Kill Bill de volume 2. Okay. Et Uma Thurman, quand elle apprend que la voiture est trafiquée, refuse de conduire la voiture parce qu'il n'y a pas de cascadeur sur le plateau de tournage. Et Quentin Tarantino la convainc de conduire le véhicule. Elle perd le contrôle, elle a un accident. Elle est blessée à la jambe et au niveau du cou. Et ça va amener beaucoup de problèmes parce que encore aujourd'hui, elle souffre de cette blessure-là. Ça nuit à sa carrière. Et elle a demandé au Weinstein et à Miramax de lui fournir les preuves parce qu'elle voulait poursuivre pour négligence au niveau de cet accident-là et aller rechercher de l'argent. Les Weinstein et Miramax n'ont jamais voulu donner les bobines de film. Ce qui a encore plus compliqué la situation, c'est qu'il y a eu ce problème où est-ce que Weinstein a fait des avances sexuelles à Uma Thurman. C'était sur la production de Kill Bill, à un point tel que même Quentin Tarantino, à un moment donné, quand il a su ça, il avait dit à Weinstein, je ne veux plus te voir à proximité d'Uma Thurman. Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui va être, mettons, une tache noire sur le dossier de Quentin Tarantino, parce que Quentin Tarantino, ça faisait depuis les années 90 qu'il savait toutes ces histoires-là avec Weinstein. Justement, donc, écoute, j'ai lu un peu là-dessus, puis dans la l'affaire Weinstein, quand tout est sorti puis a commencé à faire jaser et tout, Quentin Tarantino est sorti publiquement pour mentionner quelques mots, puis je vais vous les citer là, le 19 octobre 2017 précisément, alors que les révélations pour agression sexuelle commises par son ami producteur Harvey Weinstein se multiplient et se fait voir partout dans l'actualité, Quentin Tarantino reconnaît publiquement avoir fermé les yeux à l'époque des faits. Il a mentionné, je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses, j'aurais aimé prendre mes responsabilités par rapport à ce que j'ai entendu. Si j'avais fait ce que j'aurais dû faire alors, je n'aurais pas dû à travailler avec lui. Ouais. C'est ce qu'il a mentionné. Puis, tu sais-tu comment qu'il l'a su? Non. Il sortait dans les années 90 avec Mira Sorvino. Et Mira Sorvino est une des victimes. Et à ce moment-là, justement, Tarantino avait confronté Weinstein pour lui dire « Est-ce que c'est vrai? » Weinstein y avait dit oui. Et il avait dit « Tu laisses tranquille ma blonde. » Mais il était au courant, puis Weinstein y avait dit d'autres affaires. Fait qu'il était au courant de toute cette histoire-là. Donc, quand il est arrivé l'histoire avec Uma Thurman, avec l'histoire de l'accident, ça l'a comme fait amplifier tout ça. Ce qui fait que pendant des années où Uma Thurman et Quentin Tarantino, ben, surtout Uma Thurman ne voulait pas rien savoir de Quentin Tarantino. Oui, c'est là que ça break up. Il y a eu une cassure. C'est revenu. Aujourd'hui, ils se parlent ensemble, mais c'est quand même assez difficile. Puis c'est encore plus dramatique de le savoir parce que quand que Quentin travaillait sur Kill Bill avec Uma Thurman, c'était au moment où Uma Thurman a eu sa fille. Donc, tu sais, il a vécu avec elle, il l'a vu avec sa fille. Puis d'ailleurs, l'idée que le bébé du personnage de Uma Thurman, The Bride, son enfant soit pas mort, puis qu'on l'apprend à la fin du premier film que sa fille est encore en vie, vient directement du film que quand ils ont retravaillé le scénario, parce qu'ils avaient commencé à faire Kill Bill sur Pulp Fiction, quand ils sont revenus travailler sur Kill Bill, c'est que Uma Thurman venait d'accoucher, bien, c'est là qu'il a dit ton enfant que tu portais quand il y a eu quand la Bride s'est fait tirer dessus au début de l'histoire, son enfant n'est pas mort. C'est Bill qui l'a, tu sens pas. Et c'est de là que c'est venu cette histoire. Mega punch d'ailleurs. Tu sais, Tarantino, il aime le cinéma. Oui. Et le prochain projet où on est rendu, c'est Grindhouse, dans lequel il va réaliser avec Robert Rodriguez un film qui se sépare en deux segments. Armé de multiples fausses publicités de vieux films des années 70. Donc, vraiment, on utilise le blaxploitation, le sexploitation. Enfin, le film d'exploitation, il est à pleine couture. On scratch les films volontairement. Et il va nous sortir un Death Proof. Et Death Proof, c'est drôle parce que autant le film de Robert Rodriguez, qui est Planète Terror ou Planète Terreur, est un film hyper sanglant et, en tout cas, ça brasse, ça pisse le sang à tour le bras. Le Boulevard de la mort est un drôle de film. Parce que, d'abord, c'est basé sur le film qu'à l'époque des années 70, quand vous alliez au cinéma, vous aviez deux films en programmation. Oui, effectivement. Donc, vous aviez le film principal, puis vous avez le second feature. Et donc, quand on arrive avec le film Death Proof, bien, Quentin Tarantino fait un film où est-ce que le premier 45 minutes de son film, c'est du bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Il se passe rien. Mais il se passe rien. Quand tous ces films ont beaucoup d'action, on s'entend. Ouais. Puis... mais là-dedans, il se passe rien. Sauf que quand il se passe de quoi, batince, il se passe de quoi. Puis ça n'arrête plus. Ça n'arrête pas. Et quand il a fait Death Proof, il a fait Death Proof pour deux choses. D'abord, quand il a fait ça, il l'a fait tout principalement pour la cascadeuse Zoe Bell qu'il a rencontrée sur Kill Bill. Il voulait voir ses pieds? Non. Okay. Il faisait toutes les séquences de cascade de Uma Thurman sur le film. Et à ce moment-là, il dit, je veux faire un film avec toi parce que j'ai tellement de respect pour vous, les cascadeurs, je veux faire un film pour les cascadeurs. C'est non mais hot, ça, c'est rendre hommage. Oui, c'est un hommage. Et d'ailleurs, le titre de Death Proof, si vous ne savez pas c'est quoi, parce qu'en français, ils appellent ça le boulevard de la mort, mais les gens qui ont traduit ça, ils n'ont rien compris. Un Death Proof, c'est que les cascadeurs construisent un véhicule et il y a une partie du véhicule qu'on appelle Death Proof. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive à l'auto, même si elle part en morceaux, la personne, si elle est assise à l'endroit où c'est un Death Proof, il n'y arrivera rien. Aucune blessure, aucune possibilité de mort parce que c'est un endroit qui est tellement bien fait physiquement qu'il ne peut pas arriver quoi que ce soit. Ça n'a pas rapport avec Boulevard de la mort, pas en aucunement. Tout. Donc, quand tu es dans une voiture... C'est comme un waterproof. C'est comme un. C'est exactement ça. Je viens de comprendre le Et donc, le c'est la raison pourquoi Kurt Russell est un meurtrier en série qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son auto, qui n'a qu'un endroit qui est death-proof, c'est-à-dire le conducteur. Fait que même s'il capote, même s'il rentre dans un... Il peut être blessé, mais il peut pas mourir. Mais toutes les autres personnes dans l'auto, eux autres vont être morts. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Mais lui, il n'y a rien qui va y arriver parce qu'il est dans un secteur death-proof. Et donc, ce film-là est un hommage aux cascadeurs, mais c'est également un hommage aux films comme Larry le Dingue, Marie Lagasse ou Dirty Larry, Crazy Mary, Vanishing Point des années 70. Donc, tous les films de poursuite automobile. Tout ce qui l'a inspiré, finalement. Exact. D'ailleurs, quand on arrive avec la première voiture, la voiture, c'est la voiture de Larry dans Dirty Larry, Crazy Mary. Et quand ils prennent la voiture qu'ils essayent sur la route, c'est la voiture de Vanishing Point. Ah oui? Oui, carrément. La voiture blanche, qui est, mon Dieu, je pense que c'est un Pontiac, si je ne me trompe pas. Il faut que je me prenne des notes, là, parce que là, je n'ai pas tout vu ça, moi. Là. Ah oui, mais ça, quand tu écoutes Death Proof, il faut que tu réécoutes tous les films. De toute façon, n'importe quoi que tu écoutes de Quentin Tarantino, il faut que tu réécoutes des vieux films. En fait, moi, mon problème, c'est que là, je suis en train de faire le podcast avec toi. Je n'ai juste écouté 4 sur 9 actuellement disponibles dans sa carrière. Et quand je vais retomber dans les films que je n'ai pas vus, en fait, que je vais tomber dedans plutôt, mais il va falloir que je réécoute le podcast avec toi pour savoir les détails puis les easter eggs que tu m'as dit. Quand vous écoutez le film, la deuxième partie du 45 minutes, là, où est-ce que là, on a vraiment la confrontation, vous avez 4 cascadeuses, mais 3 cascadeuses et une cascadeuse en devenir, qui veulent essayer une voiture qui est la voiture du film Vanishing Point. OK. Et donc, on décide de faire un test, parce qu'on ne veut pas nécessairement l'acheter, on veut juste faire un trip, s'en aller sur la route, puis se défoncer à bloc. Sauf que le personnage de Zoé Bell, la cascadeuse, qui est la femme blonde là-dedans, elle décide que son trip, c'est d'embarquer sur le capot, puis tu roules à pleine capacité, à full allure. Mais t'as pas, là, ils ont fait ça live. Là, ils ont fait... Live. C'est dangereux. Tu dois te rappeler que Quentin Tarantino n'aime pas le numérique, donc tout se fait live. Et j'ai jamais eu autant la chienne pour un cascadeur que ce que j'ai eu la chienne pour elle. Parce qu'à un moment donné... Il n'y a pas de quelque chose qui la tient? Non. Et à un moment donné, elle se met à tourner, là, elle fait du... Tu sais, à un moment donné, elle se tient elle-même par le devant du capot et c'est ses mains, c'est la seule façon. Fait que si le char brigue, elle continue en ligne droite, là. Il n'y a rien qui retient. Mais là-dessus, ils ont-tu des bonnes assurances? Ah ben oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est toujours fait d'une façon sécuritaire quand même. C'est une cascadeuse, donc elle est habituée de faire ce genre. C'est sa vie de faire ce genre de choses-là. Pour nous, c'est sauter. Pour elle, c'est juste son gagne-pain. Mais c'est quand même une première fois dans ce genre-là? Non, parce que les cascadeurs font souvent ça. C'est un hommage aux cascades. Donc oui, à l'époque des années 70, quand tu faisais des cascades de même, c'était fait exactement la même chose. Mais dans le fond, si break à full cap par en avant, il a fallu qu'ils arrêtent la séquence puis qu'ils ralentissent le véhicule pour qu'elle descende. Oui, mais de toute façon, en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se replace sur le véhicule pour qu'il puisse freiner. Là. Elle va se tourner sur le capot pour aller s'accrocher sur le haut d'en avant, puis bon, t'inquiète. Bon, anyway. Mais ceci dit, là où ça devient intéressant, c'est quand notre ami Kurt Russell arrive avec son nouveau char, puis qu'il décide de faire du bing-bang rentre-dedans alors que notre ami Zoé Bell est sur le capot en avant. Oh. Et ça, c'est vraiment tourné à 80 000 à l'heure. Mais ça, c'est un one take. Tu peux pas te tromper. Je peux pas te dire. Je pense pas que ça soit fait en one take. Okay. C'est en multi-take. Okay, tu sais pas si on peut. Parce qu'il y a des séquences où est-ce que tu es pris dans l'arrière, puis tu as des séquences que c'est pris dans l'avant. Ah, c'est vrai, t'as raison. Alors, mais tu sais, tu as 3 voitures continuelles sur les cascades. Tu as les 2 voitures principales et tu as la voiture qui filme, qui doit rouler à la même vitesse. Alors. Le deuxième 45 minutes est totalement délirant parce que ça n'arrête pas cette espèce de poursuite automobile qui est vraiment... Tu sais, c'est démentiel. Mais tu vois à quel point que Tarantino aime le vieux cinéma des années 70. C'est un hommage. Si on réussit... Ben, c'est toutes des choses qu'on ne pense pas. Tu sais, quand on regarde un film... Nous, on n'a pas travaillé dessus, on n'a pas été derrière, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça l'implique, comment c'est filmé, puis la magie, tu sais, les trucages et tout ça. Mais quand il n'y en a pas, on ne s'attarde pas à ça, on ne le sait pas. Puis quand on le réalise, c'est du stock en sacrifice, et, c'est du travail professionnel. Et c'est quelque chose que vous allez remarquer, que ce soit Pulp Fiction, que ce soit Django Unchained, que ce soit n'importe quel film de Quentin Tarantino, quand il y a du sang, c'est pas du numérique. C'est encore des sacs de sang artificiel. Ah oui, ça explose partout. Il ne veut rien savoir du numérique. Quand vous avez des séquences de combat où est-ce que Zoé Bell dans Kill Bill se promène sur les escaliers ou qu'elle se tient sur les choses, il n'y a pas de numérique. Elle est retenue avec des harnais. mais c'est tout fait live sur le stage. Et ce qui est le fun avec Tarantino, c'est qu'il prend le temps de faire comprendre à son acteur ou son cascadeur comment jouer le rôle. Exemple, Zoé Bell, puis c'est une des raisons pour laquelle il voulait faire un film pour elle sur Death Proof. Zoé Bell, quand elle fait la cascade du combat final dans Kill Bill volume 1, quand elle fait la séquence avant de commencer le tournage, la première chose que Quentin Tarantino dit, c'est « Pourquoi est-ce que tu montes l'escalier de cette façon-là? » Ben c'est parce que je dois le monter de même, parce que c'est de même dans le scénario. « Pourquoi est-ce que tu montes l'escalier de cette façon-là? » Il répète 3-4 fois avant qu'elle comprenne. « OK, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher tel personnage parce que je veux avoir ce personnage-là, puis ma seule façon de monter en haut, c'est de monter comme ça parce que les Crazy Eight sont rendus à telle place dans l'escalier. » T'as compris. Maintenant, c'est comme ça que je vais t'interpréter la séquence. Et tu te rappelles, quand on a fait le début de la première chronique, que tu, je te disais, il n'y a rien d'écrit dans son scénario. Oui. Il faut qu'il fasse comprendre à l'acteur qu'est-ce qu'il doit ressortir comme émotion. Pour le sentir, pour le vivre, puis pour le faire. Pour le vivre. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pas comment tu dois le vivre, c'est pourquoi tu le vis comme ça. Et c'est la façon que Quentin Tarantino réalise ses films. En fait, c'est du génie, parce qu'à la base, toi, Christophe, puis moi, Raphaël, on agit, moi, j'agis comme Raphaël, toi, t'agis comme Christophe. Fait que t'as les réflexes de Christophe, j'ai les réflexes de Raphaël. Exact. Mais si j'interprète une ninja, on va dire ça de même, j'interprète une ninja, puis toi, t'interprètes un viking. On va avoir deux ninjas différents. Non, toi, t'es un viking. OK, OK, okay. Je suis un viking. Ouais, voilà, tu le prends. Okay. Puis toi, t'interprètes un viking, ben, t'as encore Christophe en dessous du viking, puis moi, ouais. J'ai encore Raphaël en dessous de la ninja. J'ai besoin de me sentir comme le personnage, bien plus que le lire et de l'apprendre par cœur. Je suis le ninja, tu es le viking. Oui. Fait que c'est là que la magie opère, puis c'est ça qu'il essaie de faire catcher au. Et pire que ça, parce que toi et moi, on peut être le même ninja, mais on va pas l'interpréter de la même façon. Parce que notre vision de comment je me sentirais ou pourquoi que moi je dois faire ça pour aller là. Moi, je ferais ça de telle manière, mais toi, tu le ferais d'une autre façon. C'est ce qui amène la différence. C'est là qu'il laisse l'espace de créativité. Et à son acteur, exactement. À son staff, OK. Exactement. Inglourious Basterds, en 2009, est un film qui est vraiment drôle parce qu'à l'origine, Quentin Tarantino l'a écrit pour que ce soit une nouvelle. Et au moment où il décide d'en faire un film, bien, il se rend compte, écoute... on fait des auditions pour trouver le personnage, vous savez, le personnage du nazi, le personnage qu'on voit au début du film, mm-hmm. qui rentre dans la maison du français pour courir après les juifs. Et en voyant le personnage et en voyant les premières auditions, à un moment donné, il se dit, j'arrête de faire le film parce que je ne trouverai jamais un acteur capable d'interpréter ce personnage-là. No way, okay. Et soudainement, rentre dans la salle un certain Christopher Waltz, qui se met à interpréter le personnage et Quentin Tarantino est obligé d'arrêter et de dire « Christopher, à cause de toi, je suis obligé de faire Inglourious Basterds. » Wow! Et donc, on va faire un film... Moi, ce que j'admire beaucoup depuis que tu nous en parles, dont dans la partie 1 puis dans le début de la partie 2 qu'on va terminer tout à l'heure, c'est à quel point il... T'sais, même s'il aime s'entendre, il aime s'écouter, il s'aime beaucoup, il a une grande estime de lui-même, il redonne à son équipe, aux personnes qu'il rencontre, tout l'amour et le respect qu'il doit finalement. Là. Je vais aller plus loin que ça. C'est pas à ses acteurs, à ses producteurs, à ses monteurs ou à ses ci ou à ses ça qu'il redonne ou à ses amis. C'est au cinéma qu'il redonne. Sais-tu qu'est-ce que fait Quentin Tarantino pendant un tournage? Non. À un moment donné, on est le dimanche, savez-vous quoi? Dimanche matin, il n'y a pas rien qui se tourne. J'ai amené une de mes pellicules parce que Tarantino est un collectionneur de bobines de films. Okay. Donc, il a ses propres bobines de films originales chez lui en 35 mm. Et donc, mettons qu'il, comme dans le film Inglourious Basterds, il tourne à un moment donné en Allemagne. Il fait venir de chez lui en Allemagne une bobine de film et il présente à toute son équipe un film qui l'a inspiré pour écrire Inglourious Basterds. Ah ouais. Puis il dit « Aujourd'hui, on ne travaille pas, on écoute un film. » Dimanche matin, on écoute un film. Un peu comme, comme à l'école primaire. Aujourd'hui, les amis, ouais. C'est vendredi congé, vous pouvez rester en pyjama, on écoute un film. Et il fait ça sur toutes ses productions. Ah, ouais! Et pire que ça, quand il fait un film, puis qu'il fait la première du film, tu sais que Quentin Tarantino a son propre cinéma? Non, je sais pas. Non. En 2017, il a acheté un cinéma qui s'appelle le Beverly. À quelle place? Il était à Los Angeles. Ah ben, ouais. Et c'est un film qui présente encore des vieux films d'époque, programme double. OK, fait qu'il faut que tu sois geek pour y aller. Faut que tu sois geek. La programmation, c'est du old stuff. C'est un cinéma qui ne diffuse que des films en pellicule. Wow! Pas de numérique. D'accord? Alors, Quentin Tarantino, quand il fait la première de ses films, il va diffuser la première de ses films devant les acteurs et les producteurs du film. Eightful Eight est une anecdote. Kurt Russell est assis à côté de Quentin Tarantino. Oui. Il n'y a que l'équipe des Eightful Eight qui sont là avec les producteurs et toute la kit. Et lorsque le film termine, Quentin Tarantino est complètement mouillé. Et Kurt Russell, il dit « Pourquoi t'es mouillé comme ça? » Et Quentin, il dit « Est-ce que t'as aimé le film? » Kurt Russell, il dit « c'est génial ton film. » Et il dit « OK. » Il dit « Là, je peux relaxer. Hey, » c'est donc bien... C'est hot, là. C'est l'importance qu'il donne aux gens autour de lui. Sacrement. C'est pour lui, le cinéma, c'est ça. Et comme il disait à un moment donné, il y a une autre personne qui disait une anecdote. Il disait à un moment donné, c'était Robert Rodriguez. Il disait, il a travaillé pendant des mois et des mois et des mois sur Kill Bill. Oui. Il n'a jamais été dans la salle de montage. Il est rentré en train de tourner le film Kill Bill volume 2. Il n'a jamais été dans la salle de montage parce qu'il veut finir de tourner Kill Bill avant d'aller dans la salle de montage. Et Rodriguez, à un moment donné, le voyait. Tarantino est poqué. Il est épuisé. Il est fatigué. L'équipe technique est épuisée. Tout le monde est vidé. Il vient de tourner 4h30 de film. OK? Une super production en dedans de même pas 6 mois de tournage. Là, OK? C'est 2 films en un qui ont filmé. Et à un moment donné, Tarantino, il dit... Il va voir les séquences et il voit le tournage. Et il retourne voir Tarantino. Il dit, là, t'arrêtes, là. Là, il faut que tu ailles en salle de montage. Il faut que tu ailles voir ton film. Tarantino dit non, je veux pas. Il dit non. Là, tu fermes ta boîte, tu viens avec moi, on va le voir. Il est allé? Il est allé le voir. Et Tarantino est sorti de là avec une énergie à un point tel qu'il a mis les séquences, il a fait aller voir. Toute l'équipe est allée voir les extraits pour se rendre compte qu'il est en train de réaliser une œuvre magistrale. Et il paraît qu'après qu'il ait fait ça, il a eu tellement une énergie débile qu'ils ont fini le tournage comme s'ils venaient de commencer la semaine avant. Calvaire. Et quand tu regardes le générique de Kill Bill, tu vois à un moment donné un gros merci à mon ami Robert Rodriguez. Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle Robert Rodriguez est là. Et Robert Rodriguez, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, quand on est allé voir Kill Bill au cinéma, il dit, le gars a passé 1 an dans la salle de montage à monter ce film-là. Il le connaît par cœur. Mais il était dans la salle de cinéma à côté de moi, puis il était comme, « T'as-tu vu ça? Hey, regarde ça! Hey, t'as-tu vu ça? » C'était un enfant dans une salle de cinéma, comme si c'était la première fois qu'il écoutait le film. C'est Quentin Tarantino. Il faut que ce soit parfait, puis il faut que ce soit parfait aux yeux des autres qui travaillent avec. C'est l'amour du cinéma. Même si c'est lui qui a réalisé le film, il va le réécouter comme si c'était une œuvre qu'il écoute pour la première fois, puis qu'il n'a jamais si vu avant. En fait, c'est comme si il se donne corps et âme, mais ça ne lui appartient pas. C'est ça, ça appartient au cinéma. C'est ça. Exactement. Ça appartient à l'art. Alors, Inglourious Basterds est un film qui a été écrit sur une période de plus de 10 ans. Ça l'a traversé Pulp Fiction, ça l'a traversé Kill Bill, ça l'a traversé bien des affaires. Il y avait ça en background, puis il gribouillait là-dessus. Oui, parce que c'était toujours, tu sais, c'était toujours pour lui l'œuvre de sa vie. C'était toujours le scénario de tu sais, c'était la chose qu'il pourrait jamais mettre au cinéma. Et donc, justement, à cause de Christopher Waltz, il a pu faire la réalisation de ce film-là. Et je pense que l'introduction, la scène d'introduction d'Inglourious Basterds est probablement une des plus belles séquences cinématographiques de toute l'histoire du cinéma nord-américain. Comme je disais dans la première chronique, l'art de voir jouer 2 personnes aux échecs, mais celui qui pense gagner va se retrouver le perdant sans s'en rendre compte. Ouais, ouais, ouais. Parce que celui qui était le perdant puis qui faisait comme « je suis comme un être complètement stupide, je ne sais pas jouer aux échecs », en réalité, c'est un maître, puis vous l'a passé dans les dents, mais vous ne l'avez jamais vu venir. Et c'est remarquable, ce film-là, du début à la fin. D'ailleurs, la façon qu'il joue avec l'histoire, puis que tout ce qui se passe a toujours une importance, incluant la séquence du début, qui est tellement importante pour la séquence finale, parce que si tu n'as pas la séquence du début, tu n'as pas la séquence finale du film. Parce que la propriétaire du Moses de cinéma, qui voit dans lequel on va changer l'histoire sans trop dévoiler les punchs, mais on va changer l'histoire du côté de Tarantino. C'est la première fois de sa vie qu'il va le faire, la première de 2 fois d'ailleurs, qu'il va changer la véritable histoire de la vraie vie. Là. Il fait parce que la propriétaire du cinéma, ça a tout un rapport avec ce qui se passe dans cette introduction de film d'Inglourious Basterds. Donc, beau petit délice scénaristique, ce film-là, qui est à voir. D'ailleurs, son premier gros succès, parce que le film qui a coûté 70 millions a quand même fait 321 millions à travers le monde entier. Donc, dites-vous que Grindhouse a été un échec cuisant au box-office. Four Rooms, qu'il avait fait avant, avait été un échec cuisant. Donc, ça fait une couple d'échecs qu'il y a eu. Là, ça vient de plafonner au niveau du box-office comme jamais. Finalement, quand c'est ses projets à lui seul, ça marche. Ça fonctionne. Ouais, exactement. Et là, on arrive à Django Unchained, qui est un film contre le racisme. Et d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que la belle anecdote sur ce film-là, c'est que l'acteur Leonardo DiCaprio, oui, voulait absolument jouer dans ce film-là. Il a accepté d'avoir une coupure au niveau de son salaire pour jouer le rôle du personnage principal, qui est un vilain. Sauf qu'à un moment donné, quand il lit le scénario, il dit tellement le mot « nigger », ça le met inconfortable. Un point tel qu'il est obligé d'arrêter sa première scène. Ça le met dans un état qu'il n'est plus capable. Et là, à un moment donné, Samuel L. Jackson le regarde et dit « Hey, viens ici un petit peu. » Puis dis-moi « nigger ». Non, et là, non, même pas. Il dit « You motherfucker, this is our fucking time. This is a Sunday night for us. So come on, say the fucking nigger word. » Je vous dis vraiment, je le dis là, quasiment comme ça, c'est vraiment ça. Là. Il l'insulte puis il dit « nigger, nigger, nigger, nigger, nigger » continuellement. Je peux pas vous dire que Nigger est tellement utilisé là-dedans que c'est le film qui a présentement le record au Guinness pour le plus de fois que le mot Nigger a été dit dans le film, soit 116 fois. 116 fois, okay. Si moi. Ça l'a créé un conflit avec Spike Lee, qui est en guerre avec Quentin Tarantino parce qu'il considère que non seulement c'est un raciste parce qu'il arrête pas de dire que les Noirs arrêtent pas de dire Nigger continuellement ou les Noirs se font appeler continuellement Nigger. Ben voyons, c'est un film contre le racisme. C'est un film contre le racisme, mais Samuel L. Jackson, qui a joué pour Spike Lee, va à un moment donné se porter à la défense de Quentin Tarantino en disant « Hey Spike, Quentin au moins fait des bons films, ce que ça fait longtemps que t'as pas fait. » Puis quand tu dis la façon qu'il dit le mot « nigger », ça n'a jamais été fait d'une façon irrespectueuse. Non. C'est fait dans le mode que ces gens-là, dans l'évolution et dans... Ridiculiser. Ben, non, c'est ça, dans l'apprentissage qu'ils ont eu, puis dans le niveau de connaissances qu'ils ont au niveau d'éducation, c'est ce que je cherchais comme terme. Il y a ce manque-là. C'est la façon de parler. Oui. Et c'est le même qu'on parle de toute façon. C'est que c'est correct pour un noir de parler puis de dire « Hey, nigger », mais c'est pas correct d'un blanc de l'écrire. Ça, c'est d'être hypocrite. Oui, je suis d'accord. Et donc, ça a été quelque chose... Même Weinstein, à un moment donné, a dit à Spike Lee « J'aimerais ça que tu viennes rencontrer Quentin puis que vous parliez là-dessus. » Puis Spike Lee a jamais voulu rien savoir. Il a jamais vu un film de Quentin Tarantino parce qu'il considère que Quentin Tarantino est un raciste alors que c'est vraiment pas le cas. Ben, il doit pas être seul dans sa gang. Là. Il y en a qui sont des extrémistes qui s'imaginent des affaires. Quentin Tarantino a deux problèmes au niveau des médias. Un, c'est un raciste. Puis deux, c'est un gars qui fait la promotion de la violence. Alors que c'est totalement le contraire. Mais non, il exagère au point tel que c'est pas crédible. C'est fait pour justement combattre la violence. Mais oui. Comme il dit, les gens aiment ça. Pourquoi je leur priverais ce qu'ils aiment? Ben, c'est de l'action, c'est de la folie, c'est de l'absurdité. Et quand il y a de la violence... Il y a de la violence. Ben oui. Django Unchained est exactement un exemple de ça. T'as pas de violence pendant tout le long du film, mais la séquence finale, le sang pisse de partout. Ouais. C'est débile. Once Upon a Time in Hollywood est une autre séquence. Quand vous allez voir ça décoller, là, le 15 dernières minutes, là, c'est un film d'horreur, carrément. Mais Quentin Tarantino est un amateur de films d'horreur. Fait que quand il met du sang, il en met pour ça. Eightful Eight est un remake, bien sûr, de Reservoir Dogs. C'est 8 personnes mises dans une cabane, puis bon, ça finit aussi mal que Reservoir Dogs se finissait à l'origine. Donc, très beau film. Encore là, c'est du jeu d'échecs entre personnages. Hey, en fait, j'ai pas tout vu, là, mais à date de ce que j'ai vu, c'est le jeu d'échecs par excellence, les dialogues. Puis tu disais dans la première partie du podcast que c'est du one-on-one. C'est les personnages qui se parlent ensemble, qui échangent, qui s'analysent, qui placent leurs pions, comme tu l'as mentionné, puis qui finalement décident de s'affronter soit verbalement ou soit par la violence. Ouais. Puis dites-vous que là, vous avez une partie d'échecs à 8 personnes. C'est malade. C'est débile. Et écoute, la seule chose que je vais reprocher à Quentin Tarantino dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une passe que j'ai trouvée facile. Parce que pour arriver à un certain point ou est-ce que tu dis, OK, le film ne peut plus s'en aller dans aucune direction. Il nous amène dans une scène du passé où là, il amène des personnages qui camouflent dans sa cabane, qui sont rajoutés aux 8 personnes qui étaient dans la cabane en question, que tu n'as jamais su qui étaient là depuis le début. Ce qui brise un peu, je trouve, le plaisir de la confrontation entre les 8. Mais ça demeure quelque chose de bien. Et cette fameuse anecdote de cette guitare à 40 000 pièces que je vais te laisser raconter. Je vais te laisser raconter, là, mais juste te dire, quand la personne m'en a... parce que je l'ai écouté, je t'ai accompagné, okay? Okay. Et quand je l'ai écouté, la personne sait très bien avec qui je suis une collectionneuse, que pour moi, les choses dans la vie, ça n'a pas de valeur plus... En fait, c'est plus sentimental que d'autres choses. Et on m'explique la fameuse anecdote. On arrête le film en plein milieu pour m'expliquer, après que j'ai vu la scène. Ouais. J'ai écouté, avant qu'on restarte le film, j'ai écouté la scène au moins 10 fois sur mon téléphone. J'étais allée lire au moins 15 articles différents. J'étais allée m'informer sur quelque chose que je m'étais jamais informée sur les anecdotes, les collections. Ouais. Et une des choses que j'ai le plus retenues du film, parce que moi, ça vient me toucher personnellement, ça brasse ma passion, tu sais. C'est cette scène-là. Ouais. Fait que je veux que tu nous expliques l'anecdote, puis je pense que je vais être capable de vous la faire entendre. La Martin Guitar Museum, donc le musée des guitares Martin, prête à Quentin Tarantino une véritable guitare d'époque antique qui est d'une valeur de plus de 40 000 $. Dans une des séquences, le personnage de Kurt Russell, garde la garde d'une prisonnière qui est interprétée par Jennifer Jason Leigh. Mm-hmm. Moi, à un moment donné, ce personnage-là, Jennifer Jason Leigh, qui n'a jamais joué de guitare de sa maudite vie, qui n'a jamais chanté de sa maudite vie et qui a dû apprendre à jouer de la guitare pour cette séquence-là et apprendre à chanter, se met à chanter sur cette guitare originale, antique, un petit bout musical. Le problème est le suivant. C'est que Quentin Tarantino doit détruire la guitare et il construit 6 répliques à la guitare pour filmer les séquences pour justement la destruction. Il n'y a juste personne qui l'a dit à Kurt Russell. Alors donc, l'actrice qui joue de la guitare au départ, elle le sait que c'est l'original. C'est ça. D'une valeur inestimable. De 40 000 piastres. Une qui est estimée à avoir moins de 10 au monde qui existe présentement, dont une qui est dans un musée et les autres, c'est du particulier. C'est ça. Et ça se rapproche... En fait, une guitare de près de 150 ans d'années... Ça date des années 1870 en réalité. Oui, 1870. Donc, c'est plus qu'une centaine d'années. Et personne n'a averti Kurt Russell que quand tu prends la guitare, tu fais juste le mouvement d'homme et t'arrêtes. Non, Kurt Russell prend la guitare et il la scrappe. Et la réaction de Jennifer Jason Leigh est véritable. C'est-à-dire qu'elle est comme Béa de dire « Qu'est-ce qu'il vient de faire? » Mais en fait, elle décroche oui. de son personnage. Lorsque vous l'écoutez, vous ne le voyez pas. Hein? Quand vous le savez, vous le remettez. Elle regarde Quentin, ouais. elle regarde l'autre caméra directement dans les yeux en voulant dire « What? Qu'est-ce qui se passe? » Puis vous le voyez, puis après ça, il y a une coupure drastique. Ils n'ont pas été capables de poursuivre parce qu'il a fallu que tout le monde se calme puis poursuivre la scène par la suite. Mais il n'y a pas juste ça, parce que Quentin Tarantino était mort de rire en arrière parce que lui, il avait été chercher l'interprétation de l'actrice comme il voulait. Oui, parce qu'elle était au courant, mais personne ne le savait. Je pense que j'ai l'extrait. Je vais le faire entendre, d'accord? Mm-hmm. Give me that guitar. Music time's over. What? Puis là, tu la vois, elle fait « What? Oh non, c'est la vraie, mais non, d'autres, tu viens de la démolir. » Puis là, elle regarde, puis là, t'as une coupure directe que tu vois, puis ouais. elle freak out, là. Mais bref, puis après ça, en fait, je pense que c'est une guitare de 1863, pour être précise. OK, moi, j'avais 1870. J'avais pas de date officielle, là, j'avais 1870 avec un S autour. Mais reste que, puis tu sais, ce qui est le pire là-dedans, c'est que ça a une petite place au débat pour les collectionneurs, puis je veux l'ouvrir quand même rapidement, mm-hmm. puis le refermer rapidement avec toi, parce que t'es un peu dans le domaine. En fait, t'es pas mal dans le domaine. Pour ce qui est des collections, tu sais, lui, Quentin, il sent... Chris du 40 000 piastres. Ouais, okay? Non, ça c'est sûr. Le 40 000 piastres, pour lui, c'est rien. C'est un 5 piastres, un 2 piastres ouais, pour ça. Nous autres. Fait que lui, il a payé au musée, il s'en fout, puis il peut... Tu sais, là, non, il l'a jamais vraiment avoué. Mm-hmm. On s'entend qu'on a l'idée qu'il a fait exprès, puis il s'en foutait. Ouais, ça, je suis pas sûr, mais en tout cas... Reste que il y a... pas le côté collectionneur ou l'attachement, parce que lui, c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu regardes au musée ou tu parles au propriétaire d'un objet de collection comme ça, de la sorte, ça vaut bien plus que 40 000 piastres. Ah oui. Ça vaut pas l'argent. C'est impossible de changer cette pièce-là. Mais c'est impossible de la changer, c'est impossible de la retrouver. S'il y en avait 10 au monde, ils sont rendus à 9, puis ils n'ont pas la preuve qu'il y en a 9. Ouais. C'est une partie de l'histoire qui s'efface. Ouais. Puis tu sais, la manière de ce que j'ai lu, là, les réactions qu'il y a eu dans des entrevues qu'il a faites à ce propos-là, puis qu'on le questionnait, il n'a jamais voulu dire la réponse de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est écoute, le musée, s'il voulait ramasser les pièces, puis rester, il pouvait les exposer pareil. Ben voilà, exactement. Et encore là, la guitare est juste parmi le morceau. Mais tu sais, ce qui est encore plus amusant là-dedans, c'est que... t'as quand même un événement comme ça qui se passe. Et du côté de Quentin Tarantino, une fois que la séquence est finie puis que la guitare est scrap, ben tu devineras que le musée a plus jamais voulu repasser une autre guitare. Non, c'est plus fini jamais, après ça. Il est mort à vie. On l'écoute encore, juste pour vous entendre, l'actrice qui capote, OK? Give me that guitar. Music, time's over. What? Et Kurt Russell est tellement, tellement... Moi, je suis un acteur que j'adore. Il a cette façon-là de... C'est « Playing time is over ». C'est juste ça. Parfait. Aïe, aïe, aïe. Mais après ça, on a-tu la réaction de cet acteur-là? C'est ma dernière question par rapport à Git, là. De quoi? Lui, il n'était pas au courant. Lui, il n'était pas au courant. C'est quand même lui qui a scrappé 40 000 piastres et une partie de l'histoire. Non, l'histoire... Moi, j'ai pas le ce t'as bout pas le punch? Non, okay, j'ai pas beau. Le ce bout. Ça, pour vous dire que... alors que le film de Hateful Eight sort au cinéma, le 21 décembre 2015, ben Quentin Tarantino va finalement avoir son étoile sur le Walk of Fame. Donc, c'est quand même bien que ça arrive à peu près au moment où The Hateful Eight sort en salle de cinéma. Donc, c'est pratiquement à la même période. Et ça nous amène, bien sûr, à Once Upon a Time in Hollywood, où est-ce que... Écoute, je comprends qu'il y a des gens qui le détestent, ce film-là. Moi, je l'adore parce que je suis un fan des années 70. Mm. Et visuellement, ce film-là est un délice pour les amateurs des années 70. Ce film-là est un délice parce que ça va être la deuxième fois de sa vie que Quentin Tarantino va changer l'histoire. Parce que c'est quand même un moment de l'histoire qui est dramatique, la mort de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, qui a été tuée par les disciples de Marilyn Manson dans sa résidence alors qu'elle était enceinte. Donc, déjà là, quand tu arrives à la fin du film, tu sais qu'il y a de quoi qui est bizarre parce que les personnages qui nous amènent, c'est pas des personnages qui font partie de l'histoire. Mais je te dirais que quand je vois le chien de Brad Pitt arriver dans le décor, tout de suite, j'ai parti à rire. J'ai dit, oh, le sacrement, il va nous refaire la passe. Et comme de fait, la finale est totalement délirante. Et ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, tu as un film où tu te présentes une séquence où c'est un film qui est très paisible, il se passe pas grand-chose, c'est beaucoup de dialogue. D'ailleurs, le seul moment où Quentin Tarantino s'écoute parler, quand il fait un long speech, et c'est la raison pourquoi j'adore ce film-là, parce que c'est un de ces rares longs speeches que j'ai été capable de supporter. L'autre avant, c'était celui de Leonardo DiCaprio dans Django Unchained, quand il commence son speech vraiment normalement, mais qu'à un moment donné, plus son speech avance, plus il fait comprendre qu'il est au courant de ce qui se passe. Puis ça, tu sais, on parlait de jeu d'échecs, ça en était un autre, ce move de jeu d'échecs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu penses que tout est beau, mais à un moment donné, tu te rends compte que woman, bang, non. Bang, bang, bang. Bang, bang, c'est ça. Et donc, dans Once Upon a Time, il y en a une séquence qui est faite par une petite fille de 12 ans. Et le speech est tellement beau que même Leonardo DiCaprio pleure à un moment donné dans la séquence en personnage, mais il a vraiment pleuré sur le plateau de tournage parce que la petite fille, elle était trop bonne. Et c'est vraiment... Ce qui est vraiment le fun avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est cette période où tu as une badge d'acteur qui traverse le film non-parlant au film sonore. Et tu as beaucoup d'acteurs qui ont perdu leur carrière là-dedans parce qu'ils n'ont pas été capables de faire la transition entre le non-sonore et le sonore. Et du même côté, vous avez beaucoup d'acteurs qui n'auraient jamais pu avoir une carrière dans le non-sonore parce qu'ils n'avaient pas le visuel, mais ils avaient une voix incroyable et donc ils sont devenus des vedettes après à cause de leur voix. Donc, c'est cette période-là du cinéma qu'on croise et c'est vraiment cet hommage-là qu'on voit dans le film de Once Upon a Time in Hollywood. Donc, c'est la transition entre la vieille gang et la nouvelle gang. Donc, la partie des acteurs des années 50-60 du western qui arrive dans un nouveau style de film des années 70. Donc, encore là, tu sais, cet acteur-là, il voit sa fin de carrière. Et cette petite jeune-là qui arrive avec ce speech-là qui lui dit quasiment, « Ouais, mais tu sais, même si t'es fini là, sais, il y a quand même une relève qui va, tu sais, puis il y a toujours possibilité que tu trouves quelque chose ailleurs. Et le texte est tellement beau et c'est fait par une petite fille de 12 ans. C'est remarquable comme séquence. Donc, Once Upon a Time in Hollywood est encore un magnifique, beau petit film. Et le film va survenir en plus à un moment où on a le scandale de Harvey Weinstein. Donc, c'est à ce moment-là le seul film de la carrière de Quentin Tarantino qui n'est pas produit par Weinstein, qui n'est pas produit par Miramax. Et c'est donc bien drôle qu'il va être produit par le premier gars qui a osé dire que Pulp Fiction était de la merde. Donc, Sony Pictures sont revenus dans le décor et ont distribué Once Upon a Time in Hollywood. Donc, comme quoi que des fois, la vie... Ouais, arrange bien les choses. Quand tu craches en l'air, ça finit toujours par te retomber sur le lit. Quentin Tarantino, avant qu'on finisse, a été un producteur. Donc, grâce à son nom, il s'est servi beaucoup de son nom à Hollywood pour amener beaucoup de vieux films d'époque et aussi ramener des films de la Chine. On parle ici d'Iron Monkey. On parle aussi de Hero, qui est des films qui avaient été faits pour la Chine, mais qui ont été ramenés ici à cause de Quentin, et des films qui ont eu énormément de succès. Il a également produit des films d'horreur comme Hostel de Eli Roth. Donc, sans lui, ben, Eli Roth n'aurait jamais pu produire ces films-là. Il a créé une compagnie, Rolling Thunder Picture, en DVD et en cassette vidéo avec Miramax pour sortir des vieux classiques comme Switchblade Sisters, Sonatine, Hardcore, Logo et j'en passe. Donc, des vieux classiques des années 70 que personne ne connaissait, il les a ramenés. Et il y a bien sûr son cinéma qu'on connaît bien sûr. Au niveau de sa vie privée, ben, il s'est marié, je pense que c'est en novembre 2018. Et il a annoncé récemment qu'il allait avoir un enfant. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont eu. Et ce qu'il faut se rappeler également de Tarantino, eh bien, c'est surtout dans ses collaborateurs. Donc, vous allez avoir beaucoup les mêmes personnes. Donc, Harvey Keitel au début, Harvey Weinstein également, qui a été là jusqu'à tout récemment. Aussi Robert Rodriguez, qui était une partie très importante dans sa vie. Eli Roth, qui est régulièrement là. D'ailleurs, Eli Roth, qui joue le personnage du Bear Jew dans le film Inglourious Basterds, le gars qui bûche les nazis avec un bâton de baseball. Donc, Eli Roth est toujours présent dans l'univers de Quentin Tarantino. Mais je pense que le collaborateur ou la collaboratrice la plus importante de la vie de Quentin Tarantino, et c'est bien important de le spécifier, de le noter, c'est la monteuse Sally Menke, qui a monté tous les films de Quentin Tarantino, de Reservoir Dogs jusqu'à Inglourious Basterds. Et comme dirait, dirait Quentin Tarantino en entrevue, c'est la seule personne dans toute sa vie qui était son âme sœur. Qui le suivait. Qui le complétait. Qui le comprenait. Qui le comprenait et qui n'avait pas besoin d'expliquer ce qu'il faisait parce qu'il était tout le temps sur la même longueur d'onde. Et malheureusement, Sally Menke nous a quittés après sa mort en 2010 des suites d'un cancer. Ce qui fait que ça a été un gros coup dur pour Quentin Tarantino parce qu'il a perdu un gros morceau. Il a perdu la seule personne qui avait le droit de dire « c'est de la merde ce que tu viens de faire ». Avait... Ça, c'est important une vie. Puis c'était la seule personne. Puis c'est drôle parce que le mari de Sally Menke disait souvent, des fois, les deux travaillaient parce qu'ils travaillaient dans la maison de Sally Menke. Ils étaient enfermés pendant des jours dans la chose. Puis t'entendais les gens crever puis se tuer. Puis t'entendais les scènes de gens de crier puis de violence, puis les guns, puis les ci, puis les ça. Puis eux autres, ils partaient à rire, les deux. Puis ils riaient parce qu'ils montaient ça d'une manière pour essayer de rendre ça le plus divertissant possible. Puis il y avait du fun à le faire. Oh, wow. Et ça, c'est quelque chose que Quentin Tarantino, aujourd'hui, ça lui manque beaucoup, ça. Sally Menke, qui malheureusement nous a quittés en 2010. Donc, c'est pas mal l'univers de cet homme incroyable qu'est Quentin Tarantino. Non seulement un fan, un geek, mais c'est un individu comme nous autres qui, encore aujourd'hui, quand il fait un film ou qu'il va voir un film, s'amuse encore comme un enfant de 5 ans ou de 12 ans. D'ailleurs, c'est drôle, petite dernière anecdote que je vais te souligner. Tu sais, on parlait tantôt de son langage qu'utilise Nagger ici et ça dans ses films. Quentin Tarantino n'a même pas 12 ans. Il est dans sa chambre et à un moment donné, sa mère rentre parce qu'elle est découragée d'entendre Quentin Tarantino jurer à tour de bras. Et Tarantino est en train de s'amuser avec ses jouets. Et à un moment donné, sa mère dit, « Quentin, arrête de parler vulgaire. » Et Quentin répond à sa mère, « Maman, c'est pas moi, c'est mes personnages. » Wow! Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Quentin Tarantino? Moi, je trouve ça de toute beauté. D'autres vont dire que c'est de la maladie mentale. Mais... il est schizophrène, c'est ses personnages qui parlent. Non, mais pour vrai, wow! Il écrivait déjà des scénarios à l'âge de 12 ans. C'est malade. Donc, sa vie est un film, puis c'est un pro de jeu d'échecs. Et c'est un pro de jeu d'échecs. Eh bien... Malgré tous ces moments sombres qu'il a eus, incluant les affaires avec Spike Lee, Weinstein ou Motorman, ça demeure quand même que, tu sais, j'ai déjà vu ce gars-là... j'ai déjà vu cet homme-là en entrevue avec un journaliste qui commençait à lui poser des questions sur la violence. Puis qu'à un moment donné, Tarantino disait, « Sais-tu quoi? Dis ça, là, cette entrevue-là, là, c'est une entrevue de promotion pour mon film. » Alors, I'm shutting your butt down. Je refuse de répondre à ta question. Je refuse ta question. Je me réserve le droit de ne point répondre parce que j'ai répondu toute ma vie à ces maudites questions-là, stupides. C'est que, sais-tu quoi? Tu veux l'avoir la réponse? Ben, va voir sur YouTube, ils sont toutes là. Demande au monde qui disent la même affaire que toi. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci, Christophe. Pour vrai, c'est un coup de cœur, ces deux parties de podcast-là. Je suis bien contente de l'avoir fait. Puis, tu le sais, j'adore le cinéma. Je ne suis pas une geek ou, tu sais, j'ai pas ça dans les veines comme beaucoup de personnes et surtout comme toi. Puis, à chaque fois, j'en apprends. Puis, c'est pour ça que ça donne le goût de poursuivre. Puis, je suis bien contente que tu acceptes encore de faire des podcasts avec moi. Hey, ça me fait plaisir en tout temps, Raphaël. Puis, tu peux encore me demander plein d'affaires comme ça. Tu sais bien que je vais t'arriver avec... C'est quoi? En fait, j'ai pitché un autre. Les Lego? Oui! Je veux qu'on parle de Lego. À un moment donné, on va parler de blocs Lego, c'est promis, juré. Génial! Fait que pour ceux et celles qui le savent maintenant, on va parler de Lego à un moment donné. Il n'est pas encore enregistré. On va le faire, puis je suis déjà comme une kid. Bon, ben au prochain podcast. Bye-bye! Bye-bye! Puis à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, bon matin ou bon après-midi ou bonne soirée. Bye-bye! C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Okay.